Metal Express avec Eric. Eh bien, salut les tympans, heureux de vous retrouver donc comme chaque lundi à la même heure de 19h à 21h. Vous êtes dans le Metal Express et c'est Eric avec vous pour vous accompagner donc jusqu'à 21h. Je vous rappelle donc que vous nous écoutez sur Radio Heavy Metal. Radio Heavy Metal a son site officiel que je vous donne, c'est le https://radioheavymetal.site. Nous avons nos applications pour nous écouter sur votre smartphone ou bien tablette tactile, sur le Google Play ou bien Apple Store. Vous pouvez également télécharger l'application sur radio.fr et vous tapez Radio Heavy Metal. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, il y a Facebook, Twitter et Instagram. Un grand merci à nos partenariats radio qui diffusent le Metal Express. Il y a Canal Fuzz Radio, Radio WHM52 et Radio Love Stars. Un grand merci également à nos partenariats musique. Il y a Inverse Records, Duet Agency, Kebras Records, Eli Promotion, Kebar Promotion et Inferno Records. Voilà, j'espère qu'également vous vous êtes remis du Hellfest pendant ces 3 jours. Ça a dû taper chaud, chaud, chaud. Donc on va commencer donc cette émission du Metal Express et je vous rappelle en même temps que c'est la dernière de la saison. Donc on se retrouvera nous à la rentrée, donc c'est-à-dire le lundi 2 septembre. Allez, on va commencer cette émission avec Stephenson. Stephenson, donc j'avais promis depuis un certain temps, et puis j'ai eu pas mal de retard sur beaucoup de groupes à faire passer, donc alors c'est le moment pour lui de faire connaître Stephenson sur Radio Heavy Metal et dans le Metal Express. Mon morceau s'appelle Top Tar. Allez, bonne écoute dans le Metal Express. On est ensemble jusqu'à 21h. Allez, ce matin au casting la top tar, j'ai mis mon vieux costard et fait un look Tintin. J'ai bien chauffé ma voix avec la concurrence, disséqué ma voix, mon avenir, ma chance. En délire, entonnez son nom, prenez en cœur un bout. chanson. Dès que le jury fut bien dégonflé, ces stars l'ont noté, l'une a même dit: alors là, chapeau, vous êtes la totale, totale, allô là. Allez, ce matin au casting la top tar, j'ai mis mon vieux costard et fait un look tintin. Tous les navets d'hier font succès d'aujourd'hui. On peut tous être fiers du choix de nos jurys. S'appelle Luigi Stephenson, donc, avec le morceau Top Tar. Il a une page Facebook, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Allez, voici un groupe français, donc, il s'appelle Anorage, et c'est tout nouveau, c'est sorti, enfin, on va dire, fin 2018. On écoute les morceaux Here It Comes From The Dust. Bonne écoute. Yeah. le groupe français Another Age avec Echoes from the Dust, donc un excellent morceau, donc cet extrait de l'album The Crossing. On écoutera deux autres morceaux après. Donc ils ont également, je vous rappelle, une page Facebook, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Voici maintenant Whitesnake, ça m'a été demandé par Elisabeth. Ce morceau s'intitule Flesh of Blood et c'est extrait du nouvel album de Whitesnake. I'm brown and blue, dressed Il est vraiment excellent ce nouvel album de Whitesnake. Il s'intitule Flesh and Blood. C'est également le titre qu'on vient d'écouter et ça m'a été demandé par... Je ne sais même plus le prénom. Je vous le dirai tout à l'heure, j'ai plus du tout la feuille sous mes yeux. Bon, en attendant, on va passer un groupe français, il s'appelle Radio Belgrade. Alors Radio Belgrade, c'est un groupe français donc de grunge rock alternative. Ils nous viennent des Yvelines donc et on va s'écouter le morceau Jour de gloire. Bonne écoute dans le Metal Express. On vient de me donner le prénom, donc c'est Elisabeth donc, qui m'avait demandé Whitesnake. Voilà, c'est fait. We'll be right back. Ce morceau donc est extrait de leur quatrième album intitulé « Toutes mes excuses ». C'est un groupe français, je vous rappelle, il s'appelle Radio Belgrade et ce morceau s'intitule « Jour de colère ». C'est vraiment excellent. On va essayer de passer deux ou trois titres derrière, donc on va essayer de voir si on peut caler tout ça parce que ce soir ça va être un peu compliqué. Il y a énormément de choses à passer. Voici un petit jingle en attendant. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Allez, on va s'écouter un groupe qui s'appelle le Toefel Toll avec le morceau Van Helsing, extrait de l'album Vipering. Come Le groupe s'appelle le Toffeltoll avec un morceau qu'on a écouté, Vandelsing, extrait de l'album Vapering. Voici maintenant Black Sun Twine et le morceau s'appelle Hearth. Il y a dedans avec notamment un batteur très connu, puisque le batteur s'appelle Vin Appice, donc ce n'est pas rien. Il a joué entre autres avec Dio, Black Sabbath, Evan Hell. On va s'écouter donc ce morceau Hearth de Black Sun Twine. Bonne écoute dans le Metal Express. Let me go feel the way to fly. Black in the seasons, tomorrow we try. Time to act is now. Le groupe s'appelle le Black Sun Train avec le morceau Hearth. Le leader du groupe donc s'appelle John Hoffman. Je vous rappelle donc qu'ils ont une page Facebook. N'hésitez pas donc à aller jeter un œil. Voici maintenant une autre dédicace. C'est Metallica, ça s'appelle Fuel. Et ça m'a été demandé par Paul. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Ooh. Paint me dead. groupe Metallica, extrait de l'album Reload. C'était le 7e album, donc déjà, ça n'a pas été vraiment un grand succès pour moi, cet album, j'ai pas du tout aimé. C'est sorti donc en 1997, le 18 novembre, exactement. Voici maintenant un groupe qui s'appelle Poker Face, et ce morceau s'intitule The Bone Reaper. Allemand donc, qui s'appelle Poker Face avec le morceau The Bone Reaper. Voici maintenant Dev. Non, je vais dire une grosse bêtise en plus. C'est Megadeth. Ça s'appelle Dystopia. Après l'annonce il y a 5 jours, donc pour Dave Mustaine, malheureusement, qui est atteint d'un cancer à la gorge. Donc moi, je vais lui faire un petit hommage. Ça s'appelle Dystopia. We'll be right back. Malgré la stupeur donc de, malheureusement, Dave Mustaine avec un cancer à la gorge, cet album Dystopia, donc apparemment il serait en train d'enregistrer son 15e album, le successeur donc Dystopia, qui était sorti en 2016, donc on verra bien. En tous les cas, on lui souhaite que bonne chance. Voici maintenant un groupe espagnol, il s'appelle Demonic, ça s'appelle Rise. Oui. We'll be right back. Voilà, le groupe s'appelle Demonic avec le morceau Rise. Ils sont espagnols donc, et je vais en remercier en même temps Vlad Promotion pour m'avoir envoyé tous ces albums. Il y aura donc dans la deuxième heure pas mal de groupes avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, la maison de disques Vlad Promotion. Je vais y arriver. On va s'attaquer avec un groupe qui s'appelle Strident avec un morceau qui s'appelle March of Prague. Bonne écoute dans le Metal Express. Donc avec le morceau March of Plague. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Eh ben le jingle, il a eu du mal à partir. Voici maintenant Mysticia avec Malcook. Bonne écoute. Alturas, huye de la ignorancia. Oui, bah si j'allume pas le micro, en plus ça va pas le faire. Donc c'était Mysticia avec Malkou. Voici maintenant Shanners avec Running Fire. Donc c'est un groupe italien et ça vient encore de chez Vlad Promotion. Boom. Italien de heavy metal Skyners avec le morceau Rolling in the Sky. Donc cet extrait, non, Rolling in the Fire, bah décidément, extrait donc, bah c'est sorti chez Vlad Promotion. Ils ont une page Facebook, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Je vous propose maintenant, pour la deuxième heure, Anal Rage de retour donc avec Upgraded. We'll be right back. for safety in another love of flesh. Now I'm on my way to Another Grade. Donc le groupe s'appelle, non pardon, le morceau s'appelle Upgraded. On va continuer avec eux d'ailleurs et ça s'appelle Fireless. Et ce morceau donc est extrait de l'album The Crossing. Off. Voilà, ce groupe s'appelle Anonorage, donc, et ce morceau s'appelle Failures. Donc, je vous rappelle que vous pouvez les retrouver sur Facebook, n'hésitez pas. Ils ont un album, donc ça s'appelle The Crossing. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Vous pouvez les retrouver donc sur Spotify, iTunes et toutes les plateformes, quoi. Vous n'hésitez pas à taper Anonorage. Je vais y arriver, décidément, ce soir, c'est la dernière en plus. Voilà donc pour ce groupe. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. On va maintenant retrouver un groupe qui s'appelle Kerk avec Wartime. Vraiment, il est temps que j'arrête. Case avec Wartime. On va attaquer maintenant avec un groupe texan. Il s'appelle le Black Storm Halo avec le morceau Kill the Pain. C'est toujours donc chez la maison de disques Vlad Promotion. We'll be right back. Voilà, donc ça s'appelle le Black Thorn Halo avec le morceau Kill the Pain. Voici maintenant Damage SFP. Ça arrive tout doucement. Je vous rappelle que vous nous écoutez sur Radio Heavy Metal et c'est le Metal Express. C'est Eric avec vous donc jusqu'à 21h. Le groupe s'appelle Damage SFP, donc voici maintenant Infamous Demise avec The Flame, donc c'est toujours chez Vlad Promotion. Don't break some C'est ça, Radio Heavy Metal et Metal Express. C'est 100% métal et découverte. Donc à l'instant, c'était le groupe In A Morse Demise avec le titre The Flames. Voici maintenant Infamy avec le morceau Age of Deception. Et c'était encore une découverte de chez Vlad Promotion. Voilà, on va allumer le micro. Ce groupe s'appelle donc Infamy, pardon, avec Edge of Deception. Donc c'est un groupe vraiment excellent. C'est du très bon old school heavy metal. Ils ont une page Facebook, n'hésitez pas donc à aller jeter un œil. Et ils nous viennent des Indes. Voici maintenant Clint, et ça s'appelle donc Question of Steel, toujours chez Vlad Promotion. Voilà donc le groupe s'appelle Clint. Ils sont autrichiens, ils nous jouent un power metal excellent. Et ce morceau donc s'appelle Question of Steel. Voici maintenant un groupe italien, il s'appelle Mortado. Donc, et ce morceau qu'on va écouter s'appelle In the Middle, In the Night. Il nous reste environ à peine 8 minutes. Bonne écoute. For the world, for the world. Voilà, donc c'est tout pour ce soir. Non, pardon, nous on se retrouve donc en septembre. Et oui, c'est les vacances. Donc le lundi 2 septembre, notez bien, on se retrouve donc pour le Metal Express à la rentrée lundi 2 septembre. Radio Heavy Metal, eh bien, ça continue toujours, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc vous pouvez écouter du métal et du métal et du métal pendant l'été. N'oubliez pas que l'émission Metal Express donc, sera rediffusée sur Canal Fuzz Radio mardi de 19h à 21h, également sur Radio WHM 52 vendredi de 20h à 22h, et puis sur Radio Love Stars dimanche de 22h à minuit pour les couches tard. N'hésitez pas donc à aller sur le site officiel de Radio Heavy Metal, c'est le https://radioheavymetal.site. Vous pouvez donc me laisser un petit commentaire. Vous cliquez donc sur le livre d'or, rien de plus simple. Vous pouvez également télécharger l'application sur votre smartphone ou bien tablette tactile pour écouter Radio Heavy Metal pendant l'été. N'oubliez pas qu'il y a également les réseaux sociaux. Il y a Facebook, Twitter et Instagram. Un grand merci également à nos partenariats musique, Inverse Records, Duet Agency, Kebras Records, Eli Promotion, Kebar Promotion, Inferno Records et Vlad The Promotion, donc, qui m'a envoyé tous ces CD pendant cette saison. J'espère qu'on retravaillera ensemble à la rentrée. Allez, moi, je vous souhaite de très bonnes vacances et puis je vous dis, en septembre. Allez, ciao !